je n'ai jamais oublié la scène dont j'ai été le témoin lors d'une excursion en haute montagne, il y a bien longtemps, quand nous avons pu contempler les ébats d'un couple d'aigles planant majestueusement dans l'azur. Ces oiseaux peuvent bien atteindre 2,50 m d'envergure. Sans un coup d'aile, ils s'élèvent à haute altitude en exploitant les courants ascendants, ce qui est déjà un spectacle admirable. Mais ce jour-là, il semble que les deux parents donnaient une leçon de vol à leur unique petit. C'était sans doute l'un de ses premiers essais. Et quand il a manifesté des signes de fatigue, vite, l'un des parents s'est placé au-dessous de lui et l'aiglon s'est posé sur son dos. À diverses reprises, nous retrouvons cette image dans l'Écriture pour illustrer les tendres soins de Dieu à l'égard de ses enfants. Dans le livre de l'Exode, chapitre 19, verset 4, Dieu s'adresse aux Israélites depuis la montagne du Sinaï et leur dit « Vous avez vu comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Plus loin, dans le livre du Deutéronome, nous lisons « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. » Deutéronome 32, 9 à 11. Au début de ce passage, décrivant l'aiglon porté par l'aigle, nous avons lu ces mots. « Jacob est la part de son héritage. » Pourquoi Jacob ? Certainement parce que, bien avant le peuple d'Israël, le patriarche avait, lui le premier, fait l'expérience d'être porté par Dieu comme sur des ailes d'aigle. Un nid d'aigle est toujours agrippé à une paroi de rocher. Les naturalistes disent que l'aiglon a de la peine à quitter son nid, où il se trouve bien, et qu'à un moment donné, il faut que les parents le poussent dehors. Lorsqu'il est précipité dans le vide, il est obligé de déployer ses ailes et c'est ainsi qu'il apprend à voler. Vous souvenez-vous, chers auditeurs, de ce que nous avons dit de Jacob? Jacob avait trompé son père. Avec la complicité de sa mère, il s'était fait passer pour son frère Ésaü et il avait réussi ainsi à soutirer à son père Isaac la bénédiction destinée à Ésaü, le fils aîné. Furieux parce qu'il avait été lésé de la meilleure part de son héritage, Ésaü n'allait pas manquer de réagir. Nous lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 27, verset 41. « Ésaü conçut de la haine contre Jacob, et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » Lorsqu'Isaac et Rebecca ont appris les desseins meurtriers d'Ésaü, ils ont décidé de faire partir Jacob au loin. Ils l'ont envoyé jusqu'en Mésopotamie, à Padan Aram, chez son oncle Laban. Dès que la colère d'Ésaü se serait calmée, pensait-il, il le ferait revenir. Voilà pourquoi Jacob quitta subitement le foyer paternel où il s'était senti si bien et qu'il partit tout seul. Revenant des années plus tard à ce mémorable départ, Jacob le rappellera en ces termes. « J'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. » Genèse 32, 10. C'était vraiment comme l'aiglon, chassé hors du nid par ses parents. Cet aiglon qui doit faire son premier saut dans le vide. Mais ce saut dans le vide sera la circonstance que Dieu va employer pour se révéler à Jacob. Car Jacob ne connaît pas encore le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, et il faut qu'il le rencontre. Le train de vie actif du foyer familial, avec tout son va-et-vient et ses centaines de serviteurs, n'était guère propice à une rencontre avec Dieu. Mais maintenant que Jacob est tout seul, le soir, après une première journée de marche, Dieu va s'approcher de lui. Nous lisons Genèse 28, 11 à 14. « Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est ainsi que Dieu a renouvelé avec Jacob le pacte d'alliance qu'il avait contracté en son temps avec Abraham et qu'il avait confirmé à Isaac. Sans poser aucune condition, il s'était engagé envers Jacob. Il a voulu être le garant de son existence, même si cette existence devait le conduire dans un pays lointain et à travers des circonstances difficiles. Dieu voulait tout faire pour lui. Il s'engageait à faire ce que Jacob ne pouvait pas faire. C'est comme si Dieu s'engageait à le porter sur des ailes d'aigle et qu'il invitait Jacob, l'aiglon, à lui faire confiance et à se laisser porter par lui. Le texte de Genèse 28 continue ainsi, verset 15. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. » Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Dans ces promesses que Dieu fait à Jacob, nous trouvons à 7 reprises le pronom « je », se rapportant à Dieu lui-même. C'est lui qui veut tout faire. C'est lui qui sera avec Jacob, qui le gardera, qui le ramènera dans son pays. Il ne l'abandonnera pas, et il lui promet d'avance d'exécuter tout ce qu'il a déclaré. Tout ce qu'il demande, c'est que Jacob se laisse faire. Jacob n'a pas à se porter lui-même, il faut qu'il se laisse porter. Mais voilà, Jacob a l'habitude d'agir par lui-même. Les ressorts de son tempérament sont tendus, il a son caractère, il a sa volonté, il ne veut pas être le dernier, il veut avoir raison, il sait mieux que les autres, et il pense même savoir mieux que Dieu. C'est pourquoi, lorsque Jacob s'éveille après cette vision et ses promesses, il réagit. D'abord, il a peur de Dieu. Il pense que l'endroit où il se trouve est redoutable et qu'il représente la porte des cieux. Puis, il a en quelque sorte un élan religieux. Il prend la pierre qui lui a servi d'oreiller, il l'élève comme un monument, verse de l'huile dessus, en pensant qu'elle deviendra le signe tangible de la présence de Dieu, le point de rencontre avec Dieu, la maison de Dieu. Effectivement, il baptise ce lieu du nom de Bethel, ce qui veut dire « maison de Dieu ». Dieu lui a-t-il demandé cela? Dieu voulait-il établir à cet endroit-là une porte d'accès au ciel, comme si ce n'était qu'en ce lieu précis qu'on pouvait s'approcher de lui? Certainement pas. Mais que de gens religieux, aujourd'hui même, font comme Jacob. Il lie la présence de Dieu à un lieu géographique, à une maison, à un temple, à un but de pèlerinage, comme si le Seigneur ne pouvait pas se révéler ailleurs. Puis, il y a la réaction de la volonté propre de Jacob. Alors que Dieu lui avait dit qu'il était prêt à tout faire pour lui par grâce, Jacob rejette cette grâce. Il propose à Dieu les termes d'un contrat. Lisons Genèse 28, 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Chers auditeurs, les connaissez-vous, ces hommes, ces chrétiens, qui posent des conditions à Dieu, alors que ce serait à Dieu d'en poser à l'homme? N'avez-vous jamais dit à Dieu, « Si tu me donnes ceci ou cela ?» Écoutez Jacob, 3 fois, il emploie cette conjonction « si ». « Si Dieu est avec moi, s'il me donne, si je retourne. » Et ensuite, il ajoute, « Alors l'Éternel sera mon Dieu. » Puis il conclut son contrat en promettant à Dieu « Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Quelle audace! Penser que Dieu se doit de bénir et qu'en compensation, on a le devoir de lui donner la dîme. Offrir à Dieu un 10% à condition que Dieu, lui, fasse d'abord sa part, c'est-à-dire le 100%. Chers amis, si c'est ainsi que nous faisons des offrandes à l'Éternel, il vaudrait mieux ne pas les faire, car l'Écriture dit « Dieu aime celui qui donne avec joie. » 2 Corinthiens 9, 7. Ce que nous pouvons offrir au Seigneur en don matériel doit être l'expression de notre reconnaissance, de notre adoration, de notre louange, et non pas une obligation légale, une œuvre servile par laquelle le croyant pense mériter les faveurs de Dieu. L'Écriture met en contraste la grâce qui procède de Dieu et les œuvres qui procèdent de l'homme. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Épître aux Romains, chapitre 11, verset 6. À l'offre de la grâce présentée par le Dieu de ses pères, Jacob préfère les œuvres, les conditions posées, le contrat légal qu'il exclut totalement de l'expérience de la grâce. En d'autres termes, il est comme un aiglon qui voudrait se débrouiller tout seul et refuserait d'être porté par ses parents. Chers auditeurs, voulez-vous agir par vos forces propres? Voulez-vous tout faire vous-même? Voulez-vous arriver à vos fins à tout prix, quel que soit le moyen employé? Ou bien, voulez-vous, dès ce jour, découvrir la grâce? Voulez-vous découvrir la paix du cœur? Voulez-vous vous jeter dans les bras du Père Céleste qui vous comprend? Savez-vous que vous avez un Seigneur pleinement capable de faire ce que vous ne pouvez pas faire, qui vous portera quand vous ne pourrez plus vous porter vous-même? En un mot, voulez-vous être cet aiglon qui se laisse porter sur des ailes d'aigle? Alors que le Seigneur vous bénisse.